troisième soirée. Là-bas, au coin de ta maison, tu vois cette rue étroite. Elle est si étroite que mes rayons n'ont qu'une minute pour s'y glisser le long des maisons. Mais pendant cette seule minute, je vois assez pour connaître le petit monde qui s'agite dans l'intérieur. Dans une de ces maisons, j'ai vu une femme. Il y a 16 ans, elle était enfant encore. Elle était à la campagne où elle jouait dans le jardin de l'antique presbytère. Les vieilles haies de rosiers avaient déjà perdu leurs fleurs. Les rosiers poussaient partout dans les allées et leurs fortes pousses montaient jusque dans les branches des pommiers. Çà et là, on voyait encore des roses. Elles n'étaient pas aussi belles que l'est d'ordinaire cette reine des fleurs. Elles en avaient cependant les couleurs et le parfum. La petite fille du pasteur me parut plus belle que la plus belle des roses. Elle était assise sur un escabeau sous un berceau de rosiers sauvages et caressait sa poupée aux joues de carton crevassé. 10 ans plus tard, je revis la jeune fille. Je l'aperçus dans une brillante salle de bal. Elle était la belle fiancée d'un riche négociant. J'étais heureuse de son bonheur et le soir, lorsque tout était calme et tranquille, j'allais la voir. Hélas, personne ne songe à mes yeux perçants ni à mes regards pénétrants. Ma belle rose eut des pousses sauvages, comme les rosiers dans le jardin du presbytère. La vie de tous les jours a aussi ses tragédies. Aujourd'hui, j'ai vu le 5e acte de celle que je te raconte. Dans l'étroite rue, j'ai revu la jeune femme sur son lit de mort. L'impitoyable logeur lui arrachait d'une main dure et grossière sa couverture qui seule la protégeait contre le froid. « Lève-toi, » dit-il, « tes jolies vies défraient le monde. Mets du fard, gagne de l'argent ou je te jette dans la rue. Allons, lève-toi. » « La mort est dans mon cœur, » répondit-elle. « Ah, laissez-moi me reposer. » Le logeur l'arracha violemment de son lit, lui farda les joues, tressa des roses dans ses cheveux. Et après l'avoir placé devant la fenêtre à côté d'une chandelle allumée, il sortit. Je regardais la malheureuse. Elle était immobile. Les bras lui tombaient sur les genoux. Le vent ferma violemment la fenêtre. Les carreaux volèrent en éclats. La femme était immobile comme auparavant. Le rideau en flammes s'agitait autour d'elle. Elle était morte. Cette femme morte à la fenêtre parle éloquemment. C'est ma rose du jardin du presbytère.